toi leurs images. Tu conduiras mes rêves au pays des anges. Ce sera le bonheur, Élise querida. Étoile de ma vie, on se quittera jamais, ma douce Lisa. Cette chanson est dédiée à tous ceux qui s'aiment. La flamme qui brûle, symbole de notre amour, Élise mi amor. Simbad, c'est vrai, je t'aime, malgré le temps qui nous sépare. Je te sens près de moi, quand je te rejoindrai, ce sera pour toujours. Espérance querida, je recommence avec toi. Donne-moi tes 30 ans qui ressemblent à 16 ans, Lisa querida. T'en fais pas, tu t'en diras tant. Recommençons comme la première fois, puisque je n'aime que toi et que sans toi, chérie, je ne suis plus moi.